Jérémie chapitre 50. La parole que l'Éternel prononça contre Babylone, et contre le pays des Chaldéens, par le moyen de Jérémie le prophète. Faites savoir parmi les nations, et publiez-le, élevez l'enseigne, publiez-le, ne le cachez point, dites, Babylone a été prise, Bel Air rendu honteux, Merodach est brisé, ses idoles sont rendues honteuses, et leurs dieux de fiente sont brisés. Car une nation est montée contre elle de vers l'Aquilon, qui mettra son pays en désolation, et il n'y aura personne qui y habite, les hommes et les bêtes s'en sont fuis, et s'en sont allés. En ces jours-là, et en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël viendront, eux et les enfants de Juda ensemble, ils marcheront allant et pleurant, et cherchant l'Éternel leur Dieu. Ceux de Sion s'enquerront du chemin vers lequel ils devront dresser leur face, et ils diront, venez, et vous joignez à l'Éternel. Il y a une alliance éternelle, elle ne sera jamais mise en oubli. Mon peuple a été comme des brebis perdues, leurs pasteurs les ont fait égarer, et les ont fait errer par les montagnes, ils sont allés de montagne en colline, et ils ont mis en oubli leur gîte. Tous ceux qui les ont trouvés, les ont mangés, et leurs ennemis ont dit, nous ne serons coupables d'aucun mal, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, contre le séjour de la justice, et l'Éternel a été la tente de leur père. Fuyez hors de Babylone, et sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme les boucs qui vont devant le troupeau. Car voici, je m'en vais susciter et faire venir contre Babylone, une assemblée de grandes nations du pays de l'Aquilon, qui se rangeront en bataille contre elle, de sorte qu'elle sera prise. Leurs flèches seront comme celles d'un homme puissant, qui ne fait que détruire, et qui ne retourne point à vide. Et la Chaldée sera abandonnée au pillage, et tous ceux qui la pilleront seront assouvis, dit l'Éternel. Parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous vous êtes égayés en ravageant mon héritage, parce que vous vous êtes engraissés, comme une génisse qui est à l'herbe, et que vous avez hennis comme de puissants chevaux. Votre mère est devenue fort honteuse, et celle qui vous a enfanté a rougi, voici, elle sera toute la dernière entre les nations, elle sera un désert, un pays sec, une lande. Elle ne sera plus habitée à cause de l'indignation de l'Éternel, elle ne sera toute entière que désolation, quiconque passera près de Babylone, sera étonné, et lui insultera à cause de toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille contre Babylone, mettez-vous tout alentour, vous tous qui tendez l'arc, tirez contre elle, et n'épargnez point les traits, car elle a péché contre l'Éternel. Jetez des cris de joie contre elle tout alentour, elle a tendu sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est ici la vengeance de l'Éternel, vengez-vous d'elle, faites-lui comme elle a fait. Retranchez de Babylone le semeur, et celui qui tient la fosse y autant de la moisson, que chacun s'en retourne vers son peuple, et que chacun s'enfuit vers son pays, à cause de l'épée de l'oppresseur. Israël est comme une brebis égarée que les lions ont effarouchée. Le roi d'Assur l'a dévoré le premier, mais ce dernier-ci, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a brisé les os. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais visiter le roi de Babylone et son pays, comme j'ai visité le roi d'Assyrie. Et je ferai retourner Israël en ses cabanes, il pétera en Carmel et en Bazan, et son âme sera rassasiée en la montagne d'Ephraïm et de Galaad. En ces jours-là, et en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, mais il n'y en aura point, et les péchés de Juda, mais ils ne seront point trouvés, car je pardonnerai à ceux que j'aurai fait demeurer de reste. Venez contre ce pays-là, vous deux rebelles. Monte contre lui, et contre les habitants destinés à la visitation, taris, et détruis à la façon de l'interdit après eux, dit l'Éternel, et fais selon toutes les choses que je t'ai commandées. L'alarme est au pays, et une grande calamité. Comment est mis en pièces et a rompu le marteau de toute la terre? Comment Babylone est-elle réduite en sujet d'étonnement parmi les nations? Je t'ai tendu des lacs, et aussi as-tu été prise, ô Babylone, et tu n'en savais rien, tu as été trouvée, et même attrapée, parce que tu t'en es prise à l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal, et en a tiré les armes de son indignation, parce que le Seigneur, l'Éternel des armées, à une entreprise à exécuter dans le pays des Chaldéens. Venez contre elle des bouts de la terre, ouvrez ses granges, foulez-la comme des javelles, Détruisez-la à la façon de l'interdit, et qu'elle n'ait rien de reste. Coupez la gorge à tous ces veaux, et qu'ils descendent à la tuerie. Malheur à eux, car le jour est venu, le temps de leur visitation. On entend la voix de ceux qui s'enfuient, et qui sont échappés du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Assemblez à cri public les archers contre Babylone, vous tous qui tirez de l'arc, campez-vous contre elle tout alentour, que personne n'échappe, rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est fièrement portée contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces gens d'élite tomberont dans les places, et on fera perdre la parole à tous ces gens de guerre en ce jour-là, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, qui es la fierté même, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. La fierté bronchera et tombera, et il n'y aura personne qui la relève, j'allumerai aussi le feu en ces villes, et il dévorera tous ses environs. Ainsi a dit l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, tous ceux qui les ont pris les retiennent, et ont refusé de les laisser aller. Leur Rédempteur est fort, son nom est l'Éternel des armées, il plaidera avec chaleur leur cause, pour donner du repos au pays, et mettre dans le trouble les habitants de Babylone. Les pays sur les Chaldéens, dit l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, sur ses principaux et sur ses sages. L'épée est tirée contre ses devins, et ils en perdront l'esprit, l'épée est sur ses hommes forts, et ils en seront épouvantés. L'épée est sur ses chevaux, et sur ses chariots, et surtout l'amas de diverses sortes de gens, lequel est au milieu d'elle, et ils deviendront comme des femmes, l'épée est sur ses trésors, et ils seront pillés. La sécheresse sera sur ses eaux, et elles tariront, parce que c'est un pays d'images taillées, et ils agiront en insensés à l'égard de leur Dieu qui les épouvante. C'est pourquoi les bêtes sauvages des déserts, avec celles des îles, y habiteront, et les chats-huants y habiteront aussi, et elle ne sera plus habitée à jamais, et on n'y demeurera point en quelque temps que ce soit. Il n'y demeurera personne, a dit l'Éternel, et aucun fils d'homme n'y habitera, comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorre, et de leurs lieux circonvoisins. Voici, un peuple et une grande nation vient de l'Aquilon, et plusieurs rois se réveilleront du fond de la terre. Ils prendront l'arc et l'étendard, ils sont cruels, et ils n'auront point de compassion, leur voix bruira comme la mer, et ils seront montés sur des chevaux, chacun de les ranger en homme de guerre contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone en a vu le bruit, et ses mains en sont devenues lâches, l'angoisse l'a saisie, et un travail comme de celle qui enfante. Voici, il montera comme un lion à cause de l'enflure du Jourdain, vers la demeure du pays rude, et après que je les aurai fait reposer, je les ferai courir hors de la Chaldée. Et qui est d'élite, que je lui donne commission contre elle? Car qui est semblable à moi, et qui me déterminera le temps, et qui sera le pasteur qui tiendra ferme contre moi? C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone, et les desseins qu'il a formés contre le pays des Chaldéens, si les plus petits du troupeau ne les traînent par terre, et si on ne réduit en désolation leur cabane sur eux. La terre a été ébranlée du bruit de la prise de Babylone, et le cri en a été ouï parmi les nations.